voudrais qu'il s'envole et s'en aille vers toi. Je demande à la voix, celle qui me les dicte, de leur coller des ailes à la place des bras. Chaque mot que j'écris, je le voudrais magique, qu'il te serve à rêver, qu'il t'apporte la joie, celle d'être de nous tout en étant unique, bien à l'abri des loups dans ce monde aux abois, dans ce monde aux abois. Je ne veux rien manquer du si nouveau bonheur.